Bien-aimés, je vous dis bonjour. Nous allons ensemble partager une petite exhortation. Et je prends le passage de Philippiens, chapitre 1, au verset 21, comme passage de base. La Bible dit, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » L'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain, bien-aimé. La Bible dit, là où est ton trésor, sera ton cœur. Voilà, la mort est un gain pour lui. Vous vous rendez compte? Alors, combien raisonne comme ça? Tout le monde tremble. Quand les médecins disent, oh, voilà, nanana, nanana, on se met à trembler. Paul dit, si c'était à moi de choisir, je dirais à Dieu, Seigneur, prends-moi. Parce que c'est un gain. Là où est ton trésor, sera ton cœur. Quand on voit le langage des enfants de Dieu. C'est-à-dire, vous avez des enfants de Dieu qui parlent comme des païens. Oh, bien-aimé, il y a un homme de Dieu tout dernièrement qui m'envoie un SMS. Oh, frère, nous sommes tristes. Ça ne va pas. On vient de perdre la sœur qui était à la louange. Donc, veillez de prière ce soir. On va jeûner, on va prier. Je lui ai dit, bien-aimé, gloire à Dieu. Moi, je n'ai pas perdu une sœur. Je lui ai envoyé le SMS. La sœur, au contraire, je l'envie au moment où je vous parle. L'homme de Dieu ne m'a plus répondu. Il dit, oh, celui-là, pourquoi il parle comme ça? Là où est ton trésor, sera ton cœur. Oh, Seigneur, mon Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, au verset 11, Jésus est tranquille. On lui annonce une nouvelle. Ton ami Lazare est mort. Jésus, Lazare, est mort. Jésus dit, il dort. Et après, Jésus va dire, allons le réveiller. Lazare est mort, Seigneur. Lazare dort. Jésus-Christ ne parle pas le langage des hommes. Vous avez, dans l'église, il paraît, excusez-moi du terme, que nous ne sommes pas du monde. Mais pourtant, dans notre milieu, nous parlons comme des païens. On parle comme des païens. Aucune différence. Pour les païens, la mort est une perte. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, ce n'est pas pareil. Nous ne voyons pas les choses. Jésus dit, Lazare dort. Pendant qu'ils disent, c'est des croyants et des disciples. Lazare est mort. Écoutez, lorsque Jésus va où on a enterré Lazare, la sœur de Lazare lui dit, Seigneur, ça fait 4 jours. Il sent déjà. Si on ôte la pierre là, il y aura l'odeur. Parce que là, il est en décomposition. Ça fait quand même 4 jours que le corps est là. Le cadavre est là-dedans. Depuis 4 jours. Si on enlève cette pierre, il y aura l'odeur. Jésus répond. Jean chapitre 11 au verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Pour nous, enfants de Dieu, la mort c'est quoi? C'est quitter ce corps pour aller dans la maison du Père. C'est quitter cette carapace, cette enveloppe. Le péché est là-dedans. Le péché est dans la chair. Le péché est là, dans ta chair. C'est pourquoi ça? Ça ne peut pas aller là-bas. Le corps ne va pas là-bas. C'est pourquoi ce corps va à la poussière, retourne à la poussière. Parce que le péché est logé là-dedans. Les désirs que tu sens là, désir de fumer, désir de boire, désir de sexe, d'autres désirs charnels, c'est lui-là. C'est la chair qui produit ça. C'est pourquoi il va retourner à la poussière. Là, le corps là, il ne va pas de l'autre côté. Il reste ici. Je vous dis, celui qui croit en moi ne connaîtra plus la mort. Jésus parle de la mort spirituelle. C'est pas, Jésus ne parle pas de quitter le fait de quitter cette enveloppe, cette coquille. Jésus parle le langage du ciel. Jésus ne parle pas le langage du monde. Non, bien-aimé. Je vais lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Mon frère, ma soeur, tu as un bon cœur. Tu as l'habitude d'aider les gens. Tu fais du bien tout autour de toi. Mais les personnes ne sont pas reconnaissantes. Tu es déçu. Tu fais du bien et tu dis, « Oh, moi, je ne veux plus faire du bien. » Non, continue à faire du bien. Je vais lire avant de revenir là-dessus. Je vais lire dans Apocalypse 14 au verset 13. Écoute ce que la parole dit. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Tes œuvres vont te suivre. Tout ce que tu as fait étant dans ce corps, va te suivre tes œuvres. Tes œuvres vont te suivre. Tout le bien que tu as fait sur terre va avec toi. Quand tu vas dans l'autre côté là-bas, ça ne reste pas ici. Le bien que tu as fait ne reste pas. Ça te suit. Ça va avec toi devant le trône. Tes bonnes œuvres et tout ce que tu as fait de mauvais, ça te suit. Donc, n'arrête pas de faire le bien. Il y a une récompense parce que là, je vais revenir sur 2 Corinthiens chapitre 5. C'est pour cela aussi, au verset 9, que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Le bien et le mal, ce que tu as fait ici, ça te suit pour une récompense. Le tribunal de Christ, ce n'est pas pour que tu ailles en enfer. C'est pour récompenser des personnes qui se sont bien comportées, des personnes qui ont fait des bonnes œuvres. La Bible dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs bonnes œuvres les suivent. Apocalypse 14. Tes œuvres vont te suivre pour aller au tribunal de Christ, pour avoir une récompense par rapport au bien et mal que tu as fait pendant que tu étais dans ce corps. C'est ce que la Bible dit. Donc n'arrête pas de faire du bien. Ne dis pas, les personnes ne sont pas reconnaissantes. J'arrête. Ça me sert à quoi de faire du bien? Les gens ne sont pas... Non, ne raisonne pas comme ça. Continue. Si tu peux continuer à faire du bien, si tu as les moyens, n'hésite pas. Le jour de ta mort, tout ce bien-là te suit. Ça ne reste pas sur terre. Les hommes n'ont pas été reconnaissants, mais Dieu, lui, il est reconnaissant de ce que tu fais. Et tu auras une récompense au tribunal de Christ. N'arrêtez pas, il ne faut pas arrêter de faire du bien tout autour de toi. Si tu peux aider les gens, tu aimes aider, continue à aider. Le jour de ta mort, ça te suit, rien, ça ne reste pas sur terre. Le bien que tu as fait te suit, c'est ce que la Bible dit. L'apôtre Paul disait, la mort m'est un gain. Il dit, si j'avais à choisir, je demanderais à Dieu de me prendre tout de suite. Je préfère aller là-bas. Mais, comme je dois continuer à faire l'œuvre de Dieu, ok, je vais rester dans le corps. Mais si j'avais à choisir, mais pourquoi? Parce que là où est ton trésor sera ton cœur. Mon frère, ma soeur, si ton trésor c'est le royaume de Dieu, tu vas voir les choses de la terre comme de la boue. Si le ciel, le royaume de Dieu, si Dieu le Père, Jésus le Saint-Esprit, c'est ton trésor, Satan ne peut plus t'arrêter par les choses de la terre. Tu verras ça comme de la boue. L'apôtre Paul dit, ces choses-là qui avaient de la valeur pour moi, je les vois maintenant comme de la boue. C'est parce que son cœur est là-bas. Là où est son trésor. Quand tu vois un chrétien, il est tourmenté, il a des insomnies la nuit, il ne dort pas, il a des projets, il faut que je fasse ça. Il a la sueur la nuit au lit. Son trésor est sur terre. Son trésor est sur toi, sur terre. Vous savez, faire l'école pour avoir des diplômes, bac plus 1, bac plus 7 et ainsi de suite. Travailler, construire des maisons, ce n'est pas un péché. Non. Ben non, C'est, Dieu est fier quand ses enfants sont des intellos et tout. Quand cette intelligence vient de lui, bien sûr. C'est normal. Parce que quand tu vas prêcher l'évangile à des intellectuels, ils ne pourront pas dire, il nous raconte quoi. Il n'a même pas le bac. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Il peut nous enseigner quoi? Parce que les païens sont orgueilleux. Mais si tu as un diplôme bac plus 7, ils vont te respecter. Et ils vont écouter ce que tu dis. C'est pourquoi il est important, jeune homme, ma soeur, d'aller à l'école. Parce que si tu es intello, quand tu vas parler à d'autres intellos, ils vont te respecter. Mais si tu n'as qu'un BPC, tu vas aller parler à des personnes qui ont des doctorats, eux, ils vont dire, oh, ils nous enseignent quoi. Ils vont te mépriser. Donc, la volonté de Dieu, mais ce qui est mauvais, ce que je voulais dire, c'est mauvais quand ces choses prennent la première place dans ton cœur. Dieu doit toujours occuper la première place. Construire des maisons, voyager, faire tout ce qu'on peut faire sur terre, ça doit venir en deuxième position. Dieu doit occuper la première place dans ton cœur. Parce que Jésus, le sang de Jésus, c'est précieux. C'est précieux le sang de Jésus. Il ne faut pas le fouler aux pieds pour les vanités de ce monde. La Bible déclare, à quoi sert un homme de gagner tous les biens du monde si tu perdras ton âme? Ton âme. Bien-aimés, vous savez, parler, tout le monde peut le faire. Mais c'est lorsqu'on est éprouvé que la foi se manifeste. Lorsque Goliath venait devant les enfants d'Israël, toutes les personnes qui n'avaient pas la foi fuyaient. Il fuyait l'épreuve. David a tenu tête devant Goliath parce que c'était un homme de foi. Dieu qui m'a délivré de l'ours, Dieu qui m'a délivré du lion, me délivrera de toi. Je m'en fous de ton gabarit, je m'en fous de tes muscles, je m'en fous de ta force. L'Éternel, mon Dieu, il est le Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible. C'est pourquoi il a tenu tête. Un jour, alors que j'étais à mon poste de travail, j'étais à mon bureau, je reçois un coup de fil qui revient du Gabon. On me dit, la personne qui me parle me dit, bien-aimé, une soeur en Christ, bien-aimé, mauvaise nouvelle. Je dis, oh, 11h, ta mère est morte hier. Oh, bien-aimé, quelle tristesse. Sur le champ, c'était quel chaos, je me souviens encore. Je me suis levé, je suis allé voir le directeur général. Il lui a dit, voilà, on vient de m'appeler tout de suite. Il a vu quelle mine j'avais, dans quel état j'étais. Il m'a dit, monsieur, allez vous reposer. Quand vous vous sentirez bien, revenez. J'ai pris ma voiture. Je devais partir à Amiens, à plus de 100 km de Paris. C'est là-bas que j'avais mon appart. Je n'ai pas pris l'autoroute, j'ai pris la nationale. Et je peux vous dire que je conduisais la voiture, j'avais des larmes. Ma maman, cette pauvre femme qui a passé toute sa vie à travailler dur pour nous élever, parce que papa avait abandonné ma mère, nous on était encore des enfants. Elle a souffert pour joindre les deux bouts. Mon Dieu, je suis venu ici faire des études pour que lorsque je rentre, ma mère pourra au moins manger ma baguette de pain. Elle pourra au moins manger la boîte de sardines que j'ai achetée. Maintenant qu'elle est morte, mais je vais encore travailler pour qui? J'étais bouleversé. Pendant que je conduisais la voiture, le Seigneur qui m'entendait parler, parce que je parlais en conduisant, je parlais seul. Le Saint-Esprit était là. Le Seigneur me dit, mon fils, tu voulais que ta mère mange la baguette de pain que tu as achetée, d'accord? Mais si quelqu'un qui a plus de moyens que toi prend ta mère pour s'occuper d'elle, n'est-ce pas ça devrait être un sujet de joie pour toi, si vraiment tu aimes ta mère? J'ai dit, oui Seigneur, tu as raison. Et du coup, la paix, mon cœur a été rempli de la paix du cœur, la paix qui vient de Dieu. J'avais la paix, la tristesse a disparu. Et je conduisais. On était là vendredi. Quand j'arrive à Amiens, je suis rentré chez moi. Quand je pensais à ma mère, je voulais être triste, mais au-dedans de moi, il y avait la paix de Dieu. J'étais tranquille. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est toi le consolateur. Personne ne pouvait me consoler. Il a fallu que Dieu lui-même intervienne. Quel tellement j'étais bouleversé. Alors, samedi, j'étais chez moi. J'ai été faire des courses. Dimanche à l'église, après la prédication, j'ai dit, bien aimé, j'ai un témoignage. Voilà, celui qui ne croit pas, vous pouvez aller à Amiens. Je cite la bien-aimée Lydie qui habite toujours à Amiens. Elle est engagée à l'église Parole de vie. Vous pouvez aller. D'autres chrétiens sont là-bas, peuvent vous dire que ce que je vais vous dire là est la vérité. Je prends le micro. Frères et sœurs, je vous annonce une bonne nouvelle. Jésus-Christ a pris ma mère avant-hier. Gloire à Dieu. Silence dans l'église, silence. Personne n'a dit Amen. Donc, je ne veux pas des histoires de mes condoléances, je n'ai pas besoin. Je ne veux pas, il n'y a pas de béé chez moi ce soir, il n'y a rien. Jésus a pris sa fille, parce que ma mère était remplie du Saint-Esprit, elle parlait en langue. Jésus a pris sa fille, c'est vrai, elle avait un certain âge, mais Jésus a pris sa fille. Gloire à Dieu, et le Seigneur m'a parlé la veille dans la voiture, et il a mis sa paix au-dedans de moi. Quand je sors de l'église, tous les bien-aimés, oh frère, des accolades, oh que Dieu te bénisse, oh bien-aimé, oh là là, j'ai jamais entendu ça, oh frère, un monsieur est venu vers moi, il avait les cheveux blancs, tout blanc, il m'a fait ça, oh mon fils, c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler comme ça dans ma vie, oh que Dieu te bénisse, les gens étaient choqués, je parle de bonnes nouvelles. Alors que le diable s'attendait à me voir jeter le corps par terre, partout. Et oui, c'est lorsqu'on est éprouvé qu'on voit la foi. Et oui, Dieu dit, il n'y a pas de mécondoléances, je ne veux pas ça. Jésus-Christ est Seigneur. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la tristesse qui est dans ton cœur, Jésus seul, a les mots qu'il faut pour te consoler. C'est lui le consolateur. Il sait ce qui, la parole qui peut guérir ton cœur. Il connaît cette parole. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ce n'était qu'une parenthèse. Et parfois, quand je prie, je dis, oh, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour moi. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, la mort lui est un gain. Et il dit, s'il avait à choisir, il sait, il cherchera, il demandera à Dieu le départ. Je vais lire dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Jésus prend l'engagement d'aller te préparer une place. Vous vous rendez compte? Jésus va te préparer une place. Il y a plusieurs demeures. Le bien-aimé qui est parti aujourd'hui dans la maison du Père, on l'a peut-être enterré quelque part aujourd'hui. Au ciel, c'est des cris de joie. Pendant que sur terre, nous on pleure. Nous on pleure ici, mais l'autre côté, vous voyez la différence entre le monde et le royaume de Dieu. Quand le bien-aimé qui a été enterré aujourd'hui, le corps du bien-aimé qui a été enterré aujourd'hui, et que Dieu a pris aujourd'hui, alors où je te parle, c'est la fête de l'autre côté, pendant que nous on pleure ici. Parce qu'on est du monde, on raisonne comme du monde. Mais si on pouvait voir les choses dans l'esprit, on ne va pas pleurer. On ne va pas pleurer. Mais parce qu'on regarde les choses, on voit encore la mort comme une perte. Mais Paul, lui, voyait la mort comme un gain. Parce qu'il sait où il va. Il sait qu'il va aller voir le Seigneur. Il sait qu'il va dans un monde merveilleux. Là où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'hypocrisie. Il laisse le monde des calomnies. Il laisse le monde de la violence. Il laisse ce monde-là. Il dit, si j'avais à choisir, Jésus est allé te préparer une place. Mon frère, ça bouge au ciel, ça bouge. Ça bouge là-bas. À chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus, on s'occupe de ta maison. on s'occupe de ta maison de l'autre côté, personne ne dormira dehors. Il n'y a pas de sans-abri là-bas. Pas de sans-abri. Il y a une maison. Jésus s'est engagé d'aller te préparer une demeure. À chaque fois qu'une âme vient à Christ, allez! Les anges s'occupent de sa demeure. Il n'y aura pas de bien-aimé. Je n'ai pas où dormir. Il n'y aura pas de ça là-bas. Chacun aura sa demeure. Gloire à Dieu. Frère, je vais finir en lisant. Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 19 au verset 6. Oh, gloire à Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fortes tonnerres, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Au verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Bien-aimé, l'épouse s'est préparée. L'époux est venu sur terre pour vaincre celui qui dominait son épouse, pour vaincre celui qui piétinait son épouse, pour libérer son épouse qui était en prison. Il y avait un rigolo qui jouait au dur, le diable, celui qui tenait les clés de la mort et du séjour des morts. Il pouvait tuer qui il voulait. C'est lui qui détenait les clés de la prison. Il a fallu que Jésus livre un combat contre ce rigolo. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ a vaincu le diable et sa cohorte de démons. La Bible dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus. Les clés sont dans les mains de Jésus. C'est pourquoi Jésus peut libérer. Tu ne peux pas aller libérer un prisonnier si tu n'as pas les clés de la prison. Celui qui est dans la prison de l'alcool, Jésus peut le libérer parce qu'il a les clés. Mais avant, c'était le diable qui détenait les clés. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est parce qu'il a vaincu Satan que Satan n'a plus le pouvoir sur toi, toi enfant de Dieu, parce qu'il a perdu les clés. C'est Jésus le libérateur. Tu as besoin d'une délivrance, c'est Jésus le libérateur. Parce que c'est lui qui tient les clés. Quand Jésus va faire son jeûne de 40 jours dans le désert, le diable est venu. Il a dit, oh celui-là, il est différent des autres. Je dois me méfier de celui-là. Et puis il vient le trouver, Jésus ne l'a jamais appelé. Il vient le trouver pour le tenter. Je vais voir comment procéder pour l'avoir. Je vais voir comment je peux faire pour l'avoir comme j'ai eu le reste des hommes. Je veux la voir. Je veux lui proposer les richesses du monde. Je veux lui proposer la gloire. Je veux la voir. Mais il est tombé sur l'alpha et l'oméga. Il est tombé sur le Tout-Puissant. Il est tombé sur le Créateur. Oh créature, tu es limité. Créature, tu seras toujours limité devant le Créateur. Tu ne peux rien contre le Créateur. Tu ne peux rien, simple créature. Tu ne fais pas le poids devant le Créateur. C'est ce que le diable a oublié. Une simple créature, Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Satan, tu ne fais pas le poids. Tu veux tenter qui? Le Tout-Puissant. Tu perds ton temps. Et il a eu l'échec de sa vie. L'échec. La Bible dit, il s'est retiré pour chercher un autre jour. Bon, je ne l'ai pas eu aujourd'hui. Bon, je l'attends au tournant. Je l'attends au tournant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ a vaincu le diable et tous ses démons. Jésus a arraché les clés. C'est pourquoi Jésus aujourd'hui peut libérer. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus va vaincre le diable et ses démons. Jésus, ayant les clés, est descendu dans le puits de l'abîme. Venir nous libérer parce qu'on était déjà enchaînés par les puissances des ténèbres. C'est pourquoi les personnes qui sont en Jésus ont été libérées. La Bible déclare. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans son royaume de lumière. Mon frère, tu n'es plus sur terre. C'est ton corps qui est ici. Jésus t'a libéré des puissances des ténèbres. Il t'a transporté. Tu as déjà été transporté dans son royaume de lumière. C'est ton corps qui est sur terre. C'est pourquoi un homme occulte ne peut plus prendre ton esprit. Ils disent capter ton esprit. Parce que Jésus est ton bouclier. Parce que tu n'es plus dans les ténèbres. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés. Mais pour que tu puisses libérer des prisonniers, il faut que tu aies les clés. Mais la Bible dit quoi? Les noces de l'agneau, l'épouse s'est préparée. Jésus a pris son sang. Il a lavé son épouse. Il a sanctifié par son sang. C'est par le sang de Jésus qu'on est sanctifié. Et le Père qui est content du Fils et qui peut voir son Fils et son épouse dans la gloire. Dieu est content de voir son Fils et son épouse. Dieu regarde l'épouse. Elle est habillée d'un fin lin pur, sanctifié. Dieu a le sourire. Il est content. Le Fils est avec l'épouse. Et Dieu, dans sa joie, qu'est-ce qu'il fait? Il offre un repas, les noces de l'agneau. Un repas, frère, soeur, tu as déjà été invité aux anniversaires des hommes. Des fêtes d'indépendance. Les fêtes parce que quelqu'un a eu un diplôme. Fêtes parce qu'il y a un mariage. Fêtes parce qu'il y a un anniversaire. Mais ça, c'est des trucs organisés par des hommes. Mais aux noces de l'agneau, c'est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, qui fait la fête. Il offre un repas. Un repas. Parce qu'il est dans la joie. Dieu est content. L'épouse était perdue. L'épouse de son fils était perdue. On était perdu. Disqualifié du royaume de Dieu. Disqualifié à cause du péché. Et le diable faisait le gros dos. Ah, son épouse est ici. Je vais voir ce qu'il va faire. Mais Dieu, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Dieu a trouvé comment le rouler dans la farine, comment le foutre par terre. Satan n'a rien compris. Il a oublié que le Créateur sera toujours et toujours au-dessus de la créature. Jamais une créature ne pourra faire le poids devant le Créateur. Jamais. Jamais. C'est l'homme, comme je le dis toujours, qui fabrique une voiture. Une voiture ne pourra jamais fabriquer un homme. C'est Dieu qui nous a créés. Nous, on ne pourra jamais créer Dieu. Et c'est ce que le diable a oublié. Bien-aimé, les noces de l'agneau, l'épouse s'est préparée. Tu as ta place qui t'attend. Jésus a dit, je m'en vais te préparer une demain, mais ça ne suffit pas. Le Père offre un repas parce qu'il y a l'époux et l'épouse. L'épouse revient de loin. Le fait que Jésus est avec son épouse, le Père est content. Et lisez Apocalypse, vous allez voir que partout où Jésus se balade, derrière lui, il y a l'épouse. Oh Seigneur, il y a l'épouse. Ce sont des enfants de Dieu nés de nouveau, qui étaient sur terre et qui ont marché dans la sanctification. Ce sont ces personnes-là, les personnes qui ont marché dans la sanctification, qui ont reçu Jésus. Si tu es dans ce cas-là, tu fais partie de l'épouse. L'épouse. Jésus se balade partout avec son épouse dans le royaume de Dieu. Il est fier. Il a vaincu l'ennemi et il a libéré son épouse. Mais c'est Jésus qui l'a sanctifié. C'est Jésus qui nous sanctifie. Le sang de Jésus est précieux. Oh malheur, pitié pour les personnes qui vont fouler aux pieds ce sang précieux. Le Saint-Esprit disait de la bouche de Jean-Baptiste, « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Le Saint-Esprit sait qu'il y a une colère à venir. Le Saint-Esprit le sait. Donc, mon frère, ma soeur, tu rencontres des difficultés. Oui, tu n'es pas marié, tu veux te marier. Oui, tu n'as pas de travail, tu cherches le travail. Mon frère, ma soeur, ne jette pas l'éponge. Parce que ce qui t'attend de l'autre côté, par rapport à ce que tu connais ici sur terre, les choses de la terre, c'est la pourriture. Par rapport au monde glorieux et merveilleux qui t'attend. Dieu va t'accueillir dans les bras. Dieu est ton papa. Tu le verras. Tu le verras. C'est ton père. Il a envoyé son propre fils unique parce qu'il t'aime. Dieu a payé un prix fort pour notre salut. Ce n'est pas un ange qui est venu à la croix. C'est le fils, pas l'un des fils. Pas l'un des fils de Dieu. La Bible dit, le fils unique, le seul, l'enfant du cœur, le seul que Dieu a envoyé. Vous vous rendez compte? Dieu est resté seul. Le seul qu'il a envoyé. Et Dieu est resté au ciel. Et pendant que Jésus faisait l'œuvre de Dieu, les yeux de Dieu étaient constamment dirigés vers son fils. Jean-Baptiste le baptise dans le Jourdain. Le Père est tellement content. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous vous rendez compte? Réjouissons-nous. Louons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dieu t'aime. Peu importe les difficultés. Le diable essaie de te mettre les bâtons dans les roues. Ne regarde pas ça. Vous savez, Satan, quand l'autre va quitter de la ville pour partir, parce que Dieu lui avait dit de partir. Mais Satan a mis dans la tête de l'épouse de l'autre, tu laisses les boîtes de nuit. Hein? C'est quelle vie sans boîte de nuit? Tu ne peux même plus boire la bière. Hein? Tes copines là pour aller fumer, tu laisses ça. Hein? Les copains, tu laisses. Et la tête de la femme de l'autre avait tellement ces choses qu'elle s'est retournée. C'est comme si elle regrettait d'abandonner ces choses-là. Et elle est morte. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui met les mains sur la charrue ne regarde plus en arrière. La vraie vie t'attend. Il y a un monde merveilleux, ma soeur, mon frère. N'abandonne pas le Seigneur pour les choses de cette vie. Tu vas le regretter éternellement. Parce que si tu rates le royaume de Dieu, c'est l'enfer. Pendant que les autres seront dans la fête aux noces de l'agneau. Réjouissons-nous. C'est le Père qui est fier de son Fils. L'épouse sanctifiée, purifiée, est bien habillée de fin lin. Lisez Apocalypse. Et Jésus le présente à son père. Papa, voilà ce que j'ai fait. Tu m'as envoyé. Papa, ça c'est mon épouse. Purifiée, sanctifiée par mon sang. Le père a le sourire. Et il offre une fête. Dieu est tellement content que c'est la fête. Les noces de l'agneau. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.